إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication de Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le résumé de l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc au cours, on est toujours dans le chapitre numéro 5 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, un chapitre qui s'intitule Ad-Dua ila Shahadati la ilaha illallah. Babun ad-du'a ila shahadati la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre qui traite du fait d'inviter les hommes à témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a expliqué au dernier cours le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre, puis on a expliqué également le hadith qui est le hadith rapporté par Ibn Abbas, ou rapporté selon Ibn Abbas, qui raconte le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen. Maintenant, on va passer à l'autre hadith qui est mentionné dans le chapitre. C'est un hadith rapporté selon Sahl ibn Sa'd. Donc le shaykh il dit « Walahuma » عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فكان لم يكن في فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يَدُوكُونَ أَيْ يَخُوضُونَ. Donc maintenant le cheikh explique le hadith. Mais avant de lire l'explication du hadith, on va faire une petite traduction générale de ce hadith là. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Khaybar il a dit: je vais donner la bannière, je vais donner le drapeau ou la bannière à un homme demain demain matin, c'est un homme qui aime Allah et son messager, et c'est un homme que Allah aime, c'est un homme que Allah aime et que son messager aime. Donc c'est ça. Donc du côté de cet homme, c'est-à-dire lui, il aime Allah et son messager, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aime ainsi que son messager l'aime. Et par sa main, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire aux musulmans. Il va faire en sorte que les musulmans aient la victoire par sa main. Alors, les hommes sont allés se coucher. Ils sont partis et les hommes sont allés se coucher et chacun d'entre eux passait la nuit à essayer de deviner ou d'essayer de savoir c'est qui est-ce qui va recevoir cette bannière le lendemain. Alors les hommes se sont relevés le lendemain matin et ils sont tous allés voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux souhaitait ou espérait être celui qui allait recevoir cette bannière. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est Ali ibn Abi Talib? Il a demandé pour lui. Et les gens ont répondu: il se plaint d'un malaise dans ses yeux. C'est-à-dire, il a quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui l'empêche de voir correctement. Alors, ils ont envoyé quelqu'un pour le chercher. Lorsque Ali radiallahu anhu est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux et il a fait pour lui une invocation. Et il s'est senti automatiquement mieux, comme s'il n'avait jamais eu de malaise à l'œil. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la bannière, lui a donné le drapeau, et il lui a dit: pars sur ta monture. Il a dit: pars sur ta monture jusqu'à ce que tu arrives devant leur muraille, devant l'endroit qui est devant les murailles de leur ville. Puis invite-les à l'islam et informe-leur de ce qui est obligatoire pour eux du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Informe-leur de ce qui est obligatoire pour eux du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit: parce que je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah subhanahu wa ta'ala fait que par ta cause un seul homme soit guidé, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc, c'est pour dire que c'est meilleur pour toi, yani, que les choses les plus recherchées et les plus aimées par les hommes dans cette dunya. Et ça, c'est rapporté, comme j'ai dit, par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh, maintenant, il va expliquer les différents termes qui sont employés dans ce hadith. Et pour expliquer par la suite le sens général. Donc, premièrement, le sahabi qui raconte ce hadith, il s'appelle Sahl ibn Sa'd. Le cheikh, il dit: huwa Sahl ibn Sa'd. سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي الصحابي شهير مات سنة 88 وقد جاوز 100. Donc سهل بن سعد, c'est son nom au complet, c'est سهل بن سعد بن مالك, donc fils de سعد, fils de خالد, fils de سعد, fils de مالك, fils de Khalid al-Ansari, donc il est Ansari, et il est Khazraji, et As-Sa'idi également. Donc c'est un noble sahabi, il est très célèbre. Il est mort en l'an 88 après la Hijra, et à la date, c'est-à-dire l'année où il est mort, lorsqu'il est mort, il avait déjà dépassé 100 ans. Et également, le cheikh dit que quand l'imam cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit walahuma, on l'a expliqué déjà dans les hadiths précédents qui ont été mentionnés des fois, walahuma, c'est-à-dire walil Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, C'est-à-dire, quand il dit lahuma, c'est-à-dire également Al-Bukhari et Muslim, ces deux-là ont également rapporté ce hadith-là dans leur sahih. Et quand il dit yawma khaybar, ay yawma hisara khaybar, sanata sab'a hijriyan, c'est-à-dire, quand il dit le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour où ils ont assiégé la ville de Khaybar, hein, le jour où ils ont commencé à assiéger, hein, et encercler la ville de Khaybar, parce qu'à l'époque les villes étaient souvent entourées de murailles, hein, les villes étaient entourées de murailles, c'est pas comme aujourd'hui. Les villes sont ouvertes. À l'époque, les villes étaient entourées de murailles pour empêcher les armées ou les attaques de l'extérieur. Et ça, c'était en quelle année que ça s'est produit? Ça s'est produit en l'an 7 après la Hijra. En l'an 7 après la Hijra. Donc la bataille de Khaybar en l'an 7 après la Hijra. Le Cheikh il dit Arraya Alamun ou Alamul Jaysh. الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. Donc الراية, comme on a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم dit qu'il allait donner الراية, il allait donner la راية à quelqu'un le lendemain matin. الراية, c'est le drapeau de l'armée, hein? Lorsqu'ils partent en guerre, ils ont ce drapeau là, c'est comme une bannière qu'ils utilisent, qui symbolise ou qui représente l'armée des musulmans. Les koufars, ils ont leur bannière, les musulmans, ils ont leur bannière. Chaque armée, elle a sa bannière. Donc, la bannière des musulmans, c'est le drapeau avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dessus. Donc, ça, c'est la bannière de l'armée des musulmans. Et c'est autour de cette bannière-là qu'ils se rallient et qu'ils, lorsqu'ils battent en retraite, s'ils battent en retraite, ils suivent ce drapeau. D'accord? Donc, c'est comme un sort de point repère en même temps. Et ça représente l'armée des musulmans. يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos de cet homme qui va porter ce drapeau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire par sa main. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire, c'est-à-dire Allah va faire en sorte que les musulmans aient la victoire par la main de cet homme. Et ça, c'est une annonce en même temps d'une bonne nouvelle du fait que les musulmans auront la victoire dans cette bataille. Ensuite, Cheikh, il continue l'explication des différents termes dans ce hadith. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ لَيْلَتَهُمْ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. Donc les gens ont passé leur nuit à se poser la question أيهم برفع أي أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. Donc il explique des liens qui ont rapport, des choses qui ont rapport avec la grammaire de ces différents termes là. Pourquoi أيهم on le mentionne avec un dhamma ici pour dire qu'il est marfou. C'est parce qu'il est mubtada, ainsi de suite. Donc il explique ces choses là après il dit wa aliyun ibn abi talib wa huwa ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa zawj ibnatihi fatima wal khalifatu rabi' min asbaq as-sabiqina ila al-islam wa ahad al-ashara al-mubashirin bil jannah radiyallahu anhum ajma'in qutila sanata 40. Donc le cheikh explique que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle Abu Talib, et il est également l'époux de sa fille Fatima radiyallahu anhum ajma'in. Il est donc l'époux de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le quatrième des Khulafa al-Rashidin, le quatrième d'entre les Khulafa. Il est un des premiers, parmi les premiers qui ont accepté l'islam. hein, si ce n'est pas un des premiers parmi les premiers, hein, c'est, il était converti en premier, mais il était un enfant à l'époque de sa conversion, hein. Donc souvent on mentionne Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu parce que c'était le premier homme qui a accepté l'islam. Sinon, le premier enfant qui a accepté l'islam, c'est Ali radiallahu anhu. Ensuite, il dit qu'il est un des 10 parmi les gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Donc, il fait partie des 10 à qui on a promis le paradis. Et il a été tué en l'an 40 Hijri. Après la mort après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort 40 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été assassiné par un des Khawarij. Il a été assassiné par un des Khawarij. Radiallahu anhi sahab ajma'in. Ensuite, il dit, on a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Ali radiallahu anhu qu'il se plaignait d'un malaise dans ses yeux. Yashtaki aynay. أي تؤلمانه من الرمد. فدونك il avait une douleur dans ses yeux à cause d'une certaine maladie. Puis il dit فبرأ بفتح الباء على وزن ضربه ويجوز كسرها على وزن علمه. أي عفية عافية كاملة. Donc le cheikh explique que يعني il s'est senti mieux, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait craché dans ses yeux et elle fait un dua pour lui, il s'est senti automatiquement bien. Il a été guéri. Et bara'a, c'est un verbe donc qui indique que quelqu'un a été guéri ou qui s'est senti mieux par la suite, hein? Et on peut le dire bara'a et on peut le dire également bari'a. On peut dire les deux. On peut dire bara'a selon la comme le modèle du verbe daraba, daraba yadribu, donc baraa daraba yadribu, baraa yabriu, et on peut dire également selon le modèle du verbe alima, alima ya'lamu, donc baraa yabrau. Donc ça, c'est les deux formes sous lesquelles on peut utiliser ou qu'on peut mentionner ou dire ce verbe. Hein? Parce qu'il y a certaines awzan, comme on dit en arabe, les awzan ou le wazn, c'est une certaine balance ou certaine, en anglais, on traduit, moi j'utilise le terme, souvent on traduit par le terme pattern, en français c'est comme, disons, un modèle, et il y a différents modèles de verbes comme ça, et tous les verbes retournent à ces modèles-là ou bien à certains de ces modèles, de ces verbes-là, et ça suit cet ordre. Comme des fois c'est daraba, donc daraba ça veut dire le verbe au passé à la troisième personne, il va s'écrire les trois lettres s'écrivent avec fatha, mais il y a certains verbes au passé troisième personne quand on les écrive ils ne vont pas prendre les trois fathas. C'est comme par exemple alima, il y a fatha, kasra, fatha, hein? Donc et quand on le met au présent également, ça change des fois. Donc daraba yadribu alima ya'lamu, donc ça change. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il y a, ça a plus un lien avec qu'est-ce qu'on appelle le sarf. Et donc c'est des choses qu'on a appris également lorsqu'on prend les cours d'arabe. Quand on arrive à ces sujets-là, ils nous expliquent donc comment écrire ces différents verbes-là, puis les différents modèles qui existent pour ces verbes. Et je me souviens qu'un prof nous avait enseigné à Médine un poème qui était pris de Al-Alfiya, pour résumer ces modèles-là. Hein? Puis, en tout cas, nous avons enseigné ça, mais là, bon, on y reviendra une autre fois, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, A'tahu al-raya, wa dafa'aha ilayhi. A'tahu al-raya, c'est-à-dire, il lui a donné la bannière. Hein? Il l'a poussé vers lui. Il lui a donné. Unfuz ala rislik, unfuz, أي امضي لوجهك. C'est-à-dire pars devant, pars avec ta monture, يعني monte sur ta monture, puis dirige-toi par devant. على رسلك على رفقك من غير عجلة. على رسلك c'est une expression qu'on utilise pour dire vas-y doucement. يعني on fait على رسلك. Hein? Pars sur ta monture doucement. Vas-y pas, précipite-toi pas, ne te mets pas trop à la hâte, pars pas à la course, vas-y doucement. Bisahatihim. Lorsque tu arrives devant leur muraille ou bien leur forteresse, hein. Donc bisahatihim, bifana'i ardihim, wama qaruba min husulihim. Donc lorsque tu arrives devant l'espace qui est devant leur muraille, lorsque tu approches de leur muraille, tu arrives sur le terrain qui est devant leur muraille, hein, c'est ce qu'on appelle as-saha. Donc lorsque tu arrives devant leur muraille, invite-les à l'islam, ud'uhum ila l'islam. Donc ça c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les inviter à l'islam. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc de les appeler à l'islam. L'islam c'est quoi? C'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala également par l'obéissance en appliquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se débarrasser du shirk et des gens qui le pratiquent. De se débarrasser du shirk et des gens qui le pratiquent. Donc l'islam c'est ça. C'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en établissant le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à ce qu'il nous ordonne d'appliquer, et de se désavouer et de se débarrasser du shirk, hein, et de ceux qui le pratiquent. Donc c'est de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent, al-bara'a, hein, ou al-khulus min al-shirk. Le shaykh il dit ensuite wa akhbarahum, yani akhbarahum, wa akhbirhum, pardon, wa akhbirhum, c'est-à-dire informe-leur par la suite de ce qui est obligatoire pour eux. Shaykh il dit ay akhbirhum annahum إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. Donc c'est comme qu'est-ce qu'on avait mentionné dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal auparavant. Lorsque tu leur as expliqué l'islam, qu'est-ce que c'est le tawhid, et ainsi de suite, hein? Donc s'ils acceptent ça, s'ils acceptent le tawhid et l'islam, donc par la suite tu leur expliques qu'est-ce qui est obligatoire pour eux. Des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, comme par exemple la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, ainsi de suite. Le shaykh il dit ensuite l'an yahdi Allahu, yani il explique donc la suite, l'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humur al-ni'am. Humur al-ni'am ay al-ibl al-humur. Donc, l'an yahdi Allah fi ta'wili masdarin mubtada khabaruhu khayr. L'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am. Humurin ni'am ay al-ibl al-humur wa hiya anfasu amwal al-arab. Donc, les chameaux rouges, c'est les richesses que les Arabes possédaient à l'époque, qui était leur plus grand bien. Ils n'avaient pas une richesse qui avait plus de valeur pour eux que cette richesse-là. Hein, les chameaux rouges. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. L'explication ou la signification générale du hadith. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam bashar al-Sahaba bintisar al-Muslimina ala al-Yahudi min al-Ghad. على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصه على الخير ف فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا, وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه, ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماء من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي أو بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام, فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله, وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس أموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. Donc le cheikh explique que la signification générale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les sahaba qu'ils auront la victoire, hein, que les musulmans allaient avoir la victoire sur les juifs le lendemain, parce que les gens qui habitaient dans la ville de Khaybar, c'était les juifs. Alors il les a envoyés, hein, le lendemain, et il disait que le lendemain, donc, il allait donner la bannière à un homme, okay, à un homme qui avait un grand mérite, hein, un mérite énorme, et qui également aimait Allah et son messager, et que Allah et son messager aimaient. Alors tous les sahaba auraient voulu avoir cet honneur, et chacun d'entre eux souhaitait être cet homme, parce qu'ils avaient tous, hein, un désir de faire le bien et d'être, hein, ralliés au bien. Donc, lorsqu'ils sont arrivés au rendez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc, où est Ali radiallahu anhu, parce qu'ils ont remarqué qu'il n'était pas présent à ce moment-là, parce qu'il avait une maladie dans ses yeux. Et donc, lorsqu'il s'est présenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis de sa salive bénie dans ses yeux. Et il a fait un dua pour lui, donc automatiquement, il s'est senti bien, et toute la douleur qu'il avait s'est en allée, complètement. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis la charge de guider l'armée dans cette bataille. Il lui a remis donc la bannière et il lui a ordonné de s'en aller tout droit, doucement, d'approcher l'ennemi avec douceur, jusqu'à ce qu'il arrive devant les murailles de la ville de où était l'ennemi. Donc, il a demandé à Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il arrive devant la muraille de ces gens, de les inviter à l'islam. Et s'ils acceptent, de leur informer de ce qui est obligatoire pour tous les musulmans, comme obligation. Qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans, après leur avoir expliqué l'islam, le tawhid. Puis ensuite, le prophète a expliqué à Ali radiallahu anhu le mérite de la da'wa, le mérite de faire la da'wa et d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est que la personne, lorsqu'elle fait la da'wa et lorsqu'elle invite les gens à l'islam, si cette personne est la cause dans la guidance d'une seule personne, d'un seul homme, eh bien c'est meilleur pour lui que les richesses et les grands biens de cette dunya. C'est meilleur pour lui que toutes les richesses de cette dunya, toutes les richesses de ce bas monde. Donc le fait qu'une seule personne soit guidée à l'islam par ta main, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne par ta cause, eh bien c'est mieux pour toi que toutes les richesses de ce monde. Alors si c'est le cas pour la personne qui a été la cause de la guidance d'une personne, que dire de la personne qui a été la cause de la guidance de plusieurs hommes et de plusieurs femmes dans l'islam, Hein? Donc celui-là, il a encore plus de récompenses. Et ça, c'est une incitation, hein? C'est une incitation pour les musulmans de faire la da'wah à Allah et d'appeler les gens à l'islam selon leur niveau de connaissance et selon leur capacité. Le Cheikh il dit munasabatul hadith lil bab an fihi mashru'iyyat ad-da'wah ila al-islam الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. Donc l'occasion pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, eh bien c'est évident, c'est parce qu'il y a dedans là, le fait qu'il est légiféré d'inviter et d'appeler les hommes à l'islam, hein? L'islam qui est en fait la signification du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et également la clarification et l'explication du mérite de faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler à l'islam. Donc ça c'est la façon dont on voit ici le mérite de faire la da'wah et d'inviter les gens à l'islam. Malheureusement, Allah al-musta'an, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont délaissé cette obligation-là et ils ont négligé les causes et les conditions de cette da'wah, hein, et malheureusement donc ils passent ça comme étant quelque chose de secondaire. Ils n'invitent pas les gens au tawhid et à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'islam, hein. Souvent certains d'entre eux ils ont des idées même qui s'opposent à la da'wah. Certains musulmans aujourd'hui s'opposent à la da'wah et ils prétendent que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, que c'est quelque chose qui n'est pas correct de faire. Ils disent qu'il faut laisser chaque personne libre, hein, et ne pas leur expliquer l'islam et des choses de ce genre, que chacun doit avoir sa propre religion. Et il y en a même qui disent, Allah al-Musta'an, on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. Il y en a parmi les gens qui prétendent parler de l'islam et inviter à l'islam, et quand ils parlent de la da'wah, ils disent on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. C'est-à-dire on s'en fiche que les koufars acceptent l'islam. Et ça c'est grave. Comment quelqu'un peut dire ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la da'wah que si Allah fait que par ta cause, hein, un seul homme est guidé à l'islam, ce sera meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc, on voit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on voit la parole de cet individu qui, par la suite, dit on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ. Donc on va prendre les points maintenant bénéfiques qui sont tirés de ce hadith. C'est un grand hadith, un hadith très important dans la question de la da'wa, hein? C'est un hadith qui revient constamment chez les ulama. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point dans ce hadith là qui sont importants? Le premier point, أولا فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. Donc premièrement, on voit dans ce hadith d'une façon qui est très claire, très apparente, le mérite que possède Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Et c'est un témoignage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur, hein, et du fait qu'il aime Allah et son messager, et que Allah et son messager l'aiment. Donc ça c'est, un grand témoignage en sa faveur qui montre son grand mérite, et qui montre qu'il fait partie des gens qui ont la foi, hein. En apparence et intérieurement également. Deuxièmement, ثانياً إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. Donc, deuxième point, il y a dans ce hadith l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime, il a l'attribut d'aimer. Hein, la tribu d'aimer, et que Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs rapprochés, et les hommes pieux parmi les serviteurs, il les aime d'un amour qui convient à sa majesté et à sa grandeur. comme chacune d'entre les attributs bénis et sanctifiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces attributs conviennent à sa majesté et à sa grandeur. Hein, et elles sont différentes des attributs des créatures. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 3, ثالثاً حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. Donc, il dit, le cheikh il dit comme point numéro 3, donc la motivation, la grande motivation et le désir ardent des sahaba dans le fait de faire le bien. Donc, ils ont une grande motivation pour faire le bien et un désir ardent de vouloir faire le bien. Et ils font la compétition les uns avec les autres dans les bonnes œuvres. Radiallahu anhum. Le point numéro 4. Mashru'iyatul adab 'inda al-qital wa tark at-taysh wal-aswat al-muz'ija allati la hajata ilayha. Donc, dans le point numéro 4, le cheikh il mentionne, il dit, rabi'an, donc, le fait que dans le combat, lorsque les musulmans partent au combat, au djihad, il est légiféré de ne pas faire de bruit, hein, de ne pas faire des cris ou des sons qui dérangent ou qui sont inutiles. Donc, dans la bataille, les musulmans doivent être calmes et garder leur calme et ne pas crier, hein, sauvagement comme le font les koufars et les mouchriquines, qui font des bruits, qui font de la musique, ou bien qui crient sauvagement, ou qui font des hurlements, ou des sons étranges. Hein, les musulmans, non, ils avancent silencieusement et calmement. Le cheikh, il dit comme point numéro 5, « Amru l'imam a'malahu birrifqi. » Amru l'imam a'malahu بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض ولا انتقاد عزيمة. Le cheikh il mentionne comme point numéro 5 que le dirigeant il ordonne à ceux qui l'envoient comme combattant de partir et de faire preuve de douceur et de faire preuve de gentillesse, mais sans faire preuve de faiblesse non plus, ni d'entrain, de motivation. Donc, ils doivent faire preuve de force et de motivation et de détermination, et en même temps faire preuve de douceur et être gentil et doux en même temps. Point numéro 6, وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. L'obligation, hein, d'inviter les kuffars à l'islam avant le combat. Hein? En particulier avant de combattre les kuffars. Il faut les appeler à l'islam et les inviter à l'islam obligatoirement. Septièmement, سابعاً أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. Donc, on peut comprendre également dans ce hadith-là que si les kuffars refusent d'accepter la da'wa à l'islam, eh bien dans ce cas-là, il est obligatoire de les combattre. Dans ce cas-là, il est obligatoire de les combattre. Et ça réfute certains musulmans qui prétendent que dans l'islam, le combat c'est uniquement défensif. Que dans l'islam, il y en a qui prétendent parmi les modernistes aujourd'hui que le djihad c'est seulement un djihad défensif, c'est-à-dire que les musulmans ne peuvent pas commencer l'attaque et l'offensive. Et ça c'est faux, c'est le contraire de la réalité. Hein? Puisque les musulmans sont ordonnés de partir en premier vers les mouchriquins et les koufars pour les inviter à l'islam. S'ils acceptent l'islam, donc il n'y a pas de combat dans ce cas-là, puisqu'ils ont accepté l'islam et c'est ça l'objectif. Mais s'ils refusent d'accepter l'islam par la suite, donc ils sont appelés à payer la jizya. Et par la suite, s'ils refusent la jizya, alors dans ce cas-là, ce sera le combat. Comme le cheikh il l'explique. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 8, أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. Donc le point numéro 8, il y a que la da'wa, elle doit être faite de façon graduelle. Et on demande aux kafirs, premièrement, d'entrer dans l'islam en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire les deux témoignages. Hein? Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, on lui ordonne les autres obligations de l'islam. Hein, par la suite. Donc ça, on en a parlé dans les cours précédents. On commence par ce qui est la priorité, qu'est-ce qui est plus obligatoire, avant de parler ou d'enseigner les autres choses qui viennent après. Le point numéro 9, fadlu da'wati ila l'islam. Fadlu da'wati ila l'islam wa ma fiha min al-khayr lil mad'oui wa da'i. Fal mad'ou qad yahtadi والداعي يثاب ثوابا عظيما والله اعلم. Donc le cheikh il explique le mérite de la da'wa à l'islam et du fait qu'il y a un bien dans la da'wa pour la personne qui est appelée et pour la personne qui appelle. Ça veut dire la personne qui est invitée à l'islam, il y a un bien pour lui du fait qu'il est guidé, il est guidé à l'islam, et pour la personne qui appelle à l'islam et qui invite à l'islam, il y a une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le point numéro 10. Ashiran. Dalilun min adillati nubuwati al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa thalika bi basharatihi bil fathi qabla wuku'ihi wa bara'ati al-alami bi riqihi. Donc il y a dans ce hadith également des signes ou des preuves de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a annoncé la bonne nouvelle de la victoire avant qu'elle se produise, hein, la bataille de Khaybar, et également il a annoncé premièrement il a annoncé la bonne nouvelle de la victoire avant qu'elle se produise, donc ça fait partie du fait de donner des informations sur des choses qui vont se produire par la suite, donc ça fait partie de la prophétie, c'est la preuve de la prophétie. Et deuxièmement également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guéri Ali radiallahu anhu sur le champ avec sa salive, et ça c'est un signe de la prophétie également, puisque ça fait partie des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comme point numéro 11, al-imanu bil qada'i wal qadar li husul ar-rayati liman lam yas'a ilayha ومنعها ممن سعى إليها. Il y a également un point qui a rapport également à la foi en la prédestination, le destin et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que la bannière est arrivée entre les mains de celui qui n'a fait aucun effort pour la voir et celui qui avait fait des efforts pour arriver tôt pour avoir la bannière, il ne l'a pas reçue. Ça c'est la preuve que lorsque quelque chose t'a été prédestiné, tu ne peux pas t'en échapper. Et si quelque chose t'a manqué, il n'y a rien qui peut faire que tu vas l'avoir. Si ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala ainsi, c'est ainsi que ça va se produire. Donc la foi en la prédestination. Et le 12e point, c'est le dernier. أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّسَمِّي بِالْإِسْلَامِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِي بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها. Donc ici le cheikh explique, il dit que il n'est pas suffisant uniquement de se dire musulman et de porter le nom, hein, il faut également absolument connaître qu'est-ce que ça signifie et connaître ses obligations et les appliquer et les mettre en application. Donc ça c'est la signification de tous ces points-là qui sont les points bénéfiques à tirer dans ce hadith-là. Maintenant, on va passer au chapitre numéro 6 dans Kitab al-Tawhid. Le titre de ce chapitre, c'est quoi? c'est babun tafsir at-tawhid wa shahadatu an la ilaha illa Allah. Donc ce chapitre, c'est quoi? C'est l'explication du tawhid, l'explication du tawhid et l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça signifie? Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il a mentionné plusieurs versets ou plusieurs parties de versets. Et il a mentionné également un hadith qui explique la signification de la ilaha illallah. Donc on va lire ensemble ces significations-là. Premièrement, le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. C'est-à-dire, ça c'est le verset dans Sourate Al-Isra. Le verset dans Sourate Al-Isra, le verset 57. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux-là invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et recherchent un moyen vers leur Seigneur. Hein, à savoir lequel d'entre eux sera le plus proche, hein, et ils espèrent en sa miséricorde et craignent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est un châtiment inévitable. Donc le verset 57, on va le lire avec l'explication. Hein? Mais c'est un verset qui réfute en fait les mouchriquins qui invoquent d'autres en dehors d'Allah, parmi les hommes pieux, parmi les prophètes, parmi les anges, parmi les saints, hein? ils les invoquent en dehors d'Allah. Dans ce verset là on est en train de leur répondre et de leur dire, ceux-là même que vous êtes en train d'invoquer et que vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah, eux-mêmes ils invoquent ceux que vous invoquez, eux-mêmes sont en train d'invoquer. C'est-à-dire, eux-mêmes invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et ils cherchent un moyen vers lui. Et ils souhaitent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc, comment pouvez-vous invoquer des gens qui eux-mêmes craignent Allah subhanahu wa ta'ala, craignent son châtiment et ils cherchent par eux-mêmes un moyen pour arriver plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, si vous êtes intelligent et si vous comprenez, alors dans ce cas-là, vous allez faire la même chose qu'eux. C'est-à-dire, vous allez vous-même essayer de chercher le meilleur moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en l'invoquant directement et en faisant les bonnes œuvres, et non pas en prenant ces hommes-là comme divinité avec lui. Puisque le verset qui suit, le verset qui précède, hein, le verset qui précède, c'est le verset 56, verset 56, parce que ça c'est le verset 57. Le verset 56 dans Sourate Al-Isra, c'est Oulaïka allazina yad'ouna yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata. Ça c'est le verset en question. Le verset avant ça, 56, c'est Qul id'u allazina za'amtum min dounihi, fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de lui. Ils ne possèdent même pas le moyen de faire dissiper ou d'éloigner un malheur de vous, ni de le faire tourner, ni de le détourner de vous. Ils ne peuvent pas éloigner ou vous délivrer ou vous enlever un malheur ou un mal quelconque, ni le détourner de vous. Eux-mêmes, ceux que vous invoquez, ils cherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher d'Allah, leur Seigneur. Ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment un châtiment. Châtiment, mahzoura, ça veut dire redouté. Un châtiment redouté. Munasabatul bab, l'ikitab al-tawhid. Lama zakar al-musannif rahimahullah fi l'abwab al-sabiqa, al-tawhid, wa fadailahu wa da'wata ilayhi, والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه يظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. Donc le cheikh explique pourquoi on place ce chapitre à cet endroit dans Kitab al-Tawhid. Pourquoi on parle de ce chapitre maintenant? Le cheikh explique que l'auteur du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a parlé dans les chapitres précédents du Tawhid, de ses mérites, du mérite de faire la da'wah au Tawhid, hein, et de la crainte qu'on doit avoir de ce qui s'oppose au Tawhid, c'est-à-dire le shirk. Hein, et il a clarifié également donc toutes ces choses-là, et maintenant il explique dans ce chapitre sa signification. C'est-à-dire c'est quoi le Tawhid en détail. Dans le sens que, pour corriger en fait l'erreur que font beaucoup de personnes lorsqu'ils parlent du Tawhid. Ils ont, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises compréhensions du Tawhid. Et ils s'imaginent, ou ils pensent que le Tawhid, ils pensent que le Tawhid c'est de reconnaître Tawhid al-Rububiyya seulement. C'est-à-dire, ils pensent que de dire La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de créateur que Allah. Que c'est Allah seul le créateur. Ou qu'il n'est de Dieu que Dieu. Comme certains le disent en français parfois. Et ça, c'est complètement faux. Et c'est incorrect. Hein? C'est incorrect. Parce que c'est pas ça que ça signifie. Quand on parle du Tawhid, on parle pas uniquement de Tawhid al-Rububiyya. On parle pas de Tawhid uniquement dans la souveraineté d'Allah, de prouver qu'Allah est unique, ou de prouver qu'il est un, qu'il n'a pas de partenaire et d'associé dans la création et dans l'univers. Ça c'est une partie du Tawhid seulement, Tawhid al-Rububiyya, que la majorité des mushrikines même, ils reconnaissent eux-mêmes. Donc c'est pas ça le but. Mais quand vous voyez les gens aujourd'hui, les gens de Kalam, ou bien les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila, les Jahmiyya, ces gens-là, quand on leur parle de Tawhid pour eux, quand eux parlent du mot Tawhid, la seule chose qu'ils veulent dire par le Tawhid, c'est le fait de reconnaître que Allah est le seul maître, le seul créateur, et qu'il y en a un, et qu'il est unique, ainsi de suite. Mais Tawhid al-Ibada, ils n'en parlent jamais. L'unicité d'Allah dans l'adoration, ils n'en parlent pas. Ça n'existe pas pour eux. Hein? Alors, le cheikh, il explique, il dit, c'est pas ça la signification du tawhid. Le tawhid, c'est pas seulement le tawhid al-Rububiyya. Qu'est-ce qu'on veut dire par le tawhid? C'est ce qui a été établi et indiqué et prouvé par les textes du Coran et de la Sunna. Hein? Et certains d'entre eux ont été mentionnés justement par l'auteur du livre, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre. Il en a mentionné quelques-uns ici pour faire comprendre la signification. La signification réelle du Tawhid dans ce chapitre. C'est-à-dire de rendre l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala unique et de faire en sorte que notre adoration soit exempte de toute forme de shirk et purifiée de toute forme de shirk. D'accord? Donc ça c'est la signification de la ilaha illallah et du Tawhid dans l'islam. C'est ça la vraie signification de la ilaha illallah. C'est de rendre l'adoration uniquement pour Allah seul. Le cheikh il dit وَعَطَفَ شَهَدَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى التَّوْحِيدِ لِبَيَانِ أَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ لَاخْتِلَافَ فِيهِ. Donc le cheikh il a mentionné dans ce titre, hein, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne dans le titre de ce chapitre le tawhid et le témoignage de la ilaha illallah ensemble, en les réunissant par la lettre waw. Donc, il les réunit par le terme waw pour dire, en fait, que le tawhid et le témoignage de la ilaha illallah, c'est la même chose. C'est la même signification. D'accord? Il n'y a pas de divergence entre les deux. Naam. Donc, ensuite, le cheikh, il explique. Et donc, on va voir, ce qu'il dit au sujet de, au sujet de ce verset les termes qui sont mentionnés dans le verset. Donc, ici dans ce verset qui est le verset 57, dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ulaika yad'ouna yabtaghouna » Yad'ouna, ay yad'ounahum min dounillah wa humul malaika wal anbiya wal salihin wa ghayrihim فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit أولئك الذين يدعون. Donc ceux-là qui invoquent, c'est-à-dire ceux qui invoquent, ceux qui les invoquent en dehors d'Allah. Ceux qui les invoquent, c'est-à-dire qui invoquent les anges, qui invoquent les prophètes, qui invoquent les hommes pieux. Hein? Donc c'est de eux qu'on parle ici. Hein? Ceux-là, donc quand il dit yad'ouna, ça revient au kuffar en fait. Oulaika yad'ouna yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Donc ceux qu'ils invoquent parmi les anges et les prophètes et les hommes pieux, ça revient à ceux qui invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. يبتغون أي يطلبون والضمير الفاعل راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. Donc ici يبتغون, c'est-à-dire ça revient à ceux qui sont invoqués par les mushrikines et par les kuffars. Hein? Eux ils recherchent, hein? C'est-à-dire يبتغون, c'est-à-dire ils cherchent eux-mêmes. Et donc c'est-à-dire que ceux que les mouchtikines invoquent, hein, parmi les anges et les prophètes et les hommes pieux, ils cherchent eux-mêmes, c'est-à-dire ceux-là qui sont invoqués parmi ces gens, ces anges et ces prophètes et ces hommes pieux, eux-mêmes cherchent, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen pour se rapprocher. C'est-à-dire, al-wasila, et le cheikh explique al-wasila, il dit que ça signifie, ma yutaqarrabu bihi ilallah, bima'na tawassala إلى الله عمل عملا يقربه إليه. الوسيلة c'est-à-dire ceux qui rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens ce qui fait en sorte que ça te rapproche à Allah, comme par exemple de faire des bonnes œuvres, les œuvres qui te font être plus près d'Allah, parce que tu fais le bien, tu fais ce qu'il te demande. Hein, tu fais ce qu'il t'ordonne de faire, tu fais le bien, donc à cause de ça tu te rapproches d'Allah. C'est ça al-wasila. C'est pas comme certains parmi les kuffars et les mushrikin, ils s'imaginent que al-wasila c'est quoi? C'est de prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un intermédiaire, ou de prendre les hommes pieux comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ça c'est pas al-wasila. Hein? C'est pas ça. Al-wasila c'est de faire une bonne action, de faire un bien, hein, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce qu'on appelle at-tawassul, hein. Souvent les mushrikines de notre époque, ils mentionnent at-tawassul comme étant yani le fait de prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ça n'a rien à voir avec la signification du mot tawassul. Et les ulama ils ont expliqué que at-tawassul il est en différentes catégories. Il y a de faire le tawassul et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le tawassul par des bonnes œuvres qu'on a accomplies, hein, et également de faire le tawassul par le fait qu'on demande à quelqu'un de pieux, quelqu'un qu'on considère comme étant une personne pieuse, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Ça, c'est des moyens qui sont permis. Hein, si cette personne à qui on demande de faire des doigts pour nous, elle est en vie, elle est vivante, hein, dans ce cas-là, c'est permis. Toutefois, si tu demandes à quelqu'un de faire des doigts pour toi alors qu'elle est morte, ça rentre dans le shirk. Hein. Et c'est ça ce que les gens font parmi les gens de bid'ah, souvent, c'est ça ce qu'ils font. Ils demandent aux hommes, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Donc le cheikh explique ensuite yarjuna rahmatahu, c'est-à-dire ils espèrent en sa miséricorde. C'est-à-dire ay la yarjuna ahadan siwahu. Ils n'espèrent en personne d'autre que lui. Wa yakhafuna adhabah ay la yakhafuna ahadan siwahu. C'est-à-dire ils craignent son châtiment. Ça c'est dans le verset encore. C'est-à-dire ils ne craignent le châtiment ou personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général et global de ce verset, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعون المشركين من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le cheikh il dit أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا كانوا كذلك من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. Donc le cheikh il explique la signification générale du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que ceux-là que ces mushrikins sont en train d'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les anges, les prophètes et les hommes pieux, ces mushrikins ils sont en train d'invoquer ces êtres-là, alors que eux-mêmes se précipitent à demander ou à chercher la miséricorde d'Allah et ils craignent son châtiment et ils essaient de se rapprocher de lui et demandent un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire en fait aux mushriks, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il disait aux mushriks dans ce verset, toi tu demandes à ces êtres qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala des moyens pour te rapprocher d'Allah, tu les invoques, tu invoques les anges, les prophètes et les hommes pieux pour te rapprocher à moi, alors que eux-mêmes, ceux que tu es en train d'invoquer, eux sont en train de chercher eux-mêmes un moyen pour eux-mêmes de se rapprocher à moi. Donc comment tu peux les invoquer eux et espérer en eux, alors que eux-mêmes espèrent en moi et me craignent dans mon châtiment et ils cherchent un moyen de se rapprocher à moi. Alors, c'est comme si en voulant dire, ce qu'ils font, en fait, c'est le contraire de ce que font les hommes pieux et les anges et les prophètes. Et qu'au lieu de faire ça, ils devraient essayer de suivre l'exemple des prophètes et des messagers et des anges, d'essayer par eux-mêmes de se rapprocher d'Allah. Et non pas essayer de passer par des créatures pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'ils sont eux-mêmes occupés par eux-mêmes par l'invocation d'Allah. Et à chercher un moyen de se rapprocher à Allah par son adoration. Donc comment vous pouvez mettre ça de côté et essayer de passer par eux. Et c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de mushrikines parmi les gens d'aujourd'hui qui essaient de justifier le shirk en mentionnant ce verset-là. Et ils essaient de déformer sa signification. Allah musta'an. Alors que c'est un verset qui détruit leur shubuhat en fait. Ensuite le cheikh il dit wa munasabatu al-aya lil-bab annaha tadullu ala anna ma'na at-tawhid shahadatu an la ilaha illallah. Donc c'est comme si ici on voit dans ce verset, c'est comme les chrétiens par exemple, c'est le meilleur exemple, les chrétiens qui prient à Jésus, qui prient à Marie, qui prient à des anges, on leur dit subhanallah, Jésus lui-même, alayhi salam, Isa, Ibn Maryam, le fils de Marie, lui-même il cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et il craint Allah. Il craint le châtiment d'Allah. Et il espère en la miséricorde d'Allah. Et sa mère, la même chose, Maryam, rahimahullah, elle cherche un moyen de se rapprocher d'Allah. Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle espère en la miséricorde d'Allah. Donc comment? Si eux-mêmes ils cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah et qu'ils craignent Allah et qu'ils espèrent en Allah, comment vous, au lieu de faire comme eux, vous les prenez eux comme objet d'adoration, ou bien vous les prenez eux comme intermédiaires et vous leur demandez de vous aider ou de faire en sorte qu'ils vous rapprochent eux d'Allah. Ça, c'est une contradiction. Hein, donc c'est ça en fait l'argument qui est dans ce verset contre les mushrikines. Hein, c'est la même chose pour les musulmans ou les gens qui se disent musulmans aujourd'hui dans les pays musulmans qui adorent les tombes et qui adorent les saints et qui pensent que en priant les hommes pieux et les saints et les tombes que ça va faire en sorte qu'ils vont se rapprocher d'Allah et qu'ils sont des moyens pour nous rapprocher d'Allah. Donc là c'est la réfutation de ces gens-là dans ce verset-là. Puisque si ce sont réellement des hommes pieux qui sont dans ces tombes, eh bien, eux-mêmes craignent le châtiment d'Allah et espèrent en sa miséricorde, et ils font des moyens, ils cherchent le moyen de se rapprocher à lui. Alors faites comme eux. Hein? Et il dit, « Wa munasabatul ayah lilbab, annaha tadullu ala anna ma'na tawhid wa shahadata an la ilaha illallah huwa tarku ma alayhi al-mushrikuna min da'wati al-salihina wal-istishfa' bihim. » إلى الله في كشف الضراء وتحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر. Donc le cheikh il dit l'occasion dans laquelle on a mentionné ce chapitre ou ce verset dans ce chapitre, l'occasion pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est qu'elle indique que la signification de la ilaha illallah, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et d'abandonner tout ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes pieux. Et le fait de chercher l'intercession par eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de nous libérer d'un mal quelconque ou de détourner un mal de nous. Parce que ça, ça fait partie en réalité du shirk majeur. Le fait d'invoquer et de demander aux hommes pieux hein, qui sont morts dans leur tombe d'intercéder hein, en notre faveur dans le fait d'éloigner de nous un mal quelconque ou de nous délivrer d'un mal quelconque, ça fait partie du shirk majeur. C'est une forme d'idolâtrie et de shirk que pratiquent les juifs et les chrétiens et que pratiquent également les autres idolâtres sur la terre hein. Et le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون في ذلك فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset là? Le premier point c'est que يعني ceux qui invoquent les hommes pieux et les saints hein, dans le fait de demander d'être délivrés d'un mal quelconque ou de faire ramener un bien quelconque, eh bien, ceux-là même qui sont invoqués par ces gens-là, ces hommes pieux-là qui sont invoqués par ceux-là, ils ne détiennent même pas pour eux-mêmes la capacité de faire du tort ou de nuire pour eux-mêmes. Alors comment pourrait-il posséder cette capacité-là pour les autres? S'ils ne sont même pas capables de ramener pour eux-mêmes un bien ou d'éloigner un mal, alors comment pourrait-il posséder ou détenir cette capacité-là pour d'autres qu'eux-mêmes? Hein? Donc ça, c'est une première forme de réponse à leur shubuhat. Et deuxièmement, ثانياً بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. Il y a également dans ce verset la clarification du fait que les hommes pieux et les prophètes et les hommes pieux ont une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et également ils espèrent en sa miséricorde. Ils ont un grand espoir en sa miséricorde. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va continuer le cours, Inch'Allah, demain, à la même heure, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.